boire de la distillerie Artiste in Residence. Donc, c'est très facile. Là aussi, on va le faire par texto. Vous voulez gagner votre ensemble de 4 prêts à boire, vous me textez distillerie via le 98-985. Donc, country pour country, distillerie pour les prêts à boire. Es-tu une fan, toi, de prêts à boire ou... Oui, j'aime quand même ça. Puis, il y en a vraiment beaucoup, là. Il y a une... Maintenant, là, il y a une très grand. Oui. Ouais, ouais, non, ça pleut. J'essaie d'y aller avec ceux qui sont comme 100 calories moins, pas trop de sucre. Ah, parce que oui, madame, elle doit surveiller sa ligne, bien sûr. Ben non, mais souvent, on boit ça pendant qu'on est en maillot, hein. Ben, moi, ça m'arrive rarement, là. Je vais te dire. D'en boire ou d'être en maillot? Les deux. OK. Parce que, écoute, les prêts à boire, ça dépend. Je trouve que trop souvent, ça goûte trop artificiel. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est sûr qu'il y en a qui vont être un peu plus sucrés, un peu plus chimiques. Mais maintenant, il y en a vraiment de très bons où là, c'est naturel, c'est pas trop sucré. Rajoute un petit peu de glace, mais c'est sûr que tu n'en bois pas 15, là. Mais de toute façon, peu importe le cocktail, tu essaies de ne pas en boire 15. Ben, c'est ça, je vais aller te demander là, quand est-ce que tu en bois 15, toi. Non, mais les genres de petits cocktails, tu sais, souvent le cocktail, t'en prends un, tu sais, dans l'après-midi, l'été, ça se prend un bien. Un ou deux sur le bord de la piscine. En 5 à 7. Après ça, on passe souvent plus au vin ou au verre d'eau pour faire une petite pause. La semaine dernière, avec Air Distillerie, ce qu'on a bu, c'était une petite boisson au bleuet, très léger, très 3,7 %, je me souviens bien, d'alcool. J'ai hâte de voir ce qu'il nous a réservé cette semaine. Très bien. Il y a autre chose? Tant qu'à être parti d'un concours, là, on en fait-tu un autre? non, là, ils sont tous lancés et on va annoncer les gagnants en fin d'émission. Très bien. Merci beaucoup, Nadia. Merci. Dans un instant, le commentaire politique de Christine Saint-Pierre qui aborde les menaces de Terre-Neuve et de la Colombie-Britannique concernant la fameuse formule de péréquation. Jusqu'au 31 juillet, c'est l'heure Toyota chez Buckingham Toyota. Découvrez le BZ4X, un VUS entièrement électrique. Obtenez à l'achat une borne de recharge gratuite ou un rabais équivalent. Buckingham Toyota, sortie 166 de l'autoroute 50. Avec le groupe Cadry Largame, on fait la route ensemble. Ici Jason Anbera, courtier numéro 1 pour l'Alliance hypothécaire. Vous avez des questions sur votre renouvellement hypothécaire? Je travaille pour vous, pas pour la banque. Quand la banque vous dit non, nous, on vous dit oui. Service trilingue, français, anglais, arabe, Jason Anbera. Maman, j'ai entendu parler que les thermopompes aident à réduire les gaz à effet de serre. Ah ouais? Attends, j'appelle la compagnie Thermomètre. Thermomètre, bonjour. Est-ce vrai que la thermopompe aide à réduire les gaz à effet de serre? Oui, effectivement. Et en plus, la thermopompe Daikinfit vous permet de faire des économies sur votre facture de chauffage et vous pouvez même recevoir une subvention d'Hydro-Québec. Merci. Vous êtes bien informé. Thermomètre, pour être maître de votre confort. Thermo-maître.com. Bonne nouvelle! Tous les formats de café de torréfaction supérieure chez McDo ont désormais de nouveaux bas prix. Le petit format est à seulement 1 $ plus taxes à tous les jours. Dans les restaurants McDo du Canada participant, les prix ne s'appliquent pas à la livraison. Salut, c'est Pierre-Yves McSween. Dans mon podcast, on discute avec des personnalités, des entrepreneurs audacieux. On explore leur parcours et les secrets de leur réussite ou de leurs échecs. Le podcast McSween, disponible en vidéo et en audio sur le site web de votre station Cogeco Média. Salut Julie! Salut Stéphane! Hey, pour les gens qui cherchent une piscine ou un spa, tu sais que c'est vraiment le bon moment avec la vente flash de Trévis. Oui, c'est sûr, et ça dure juste 5 jours. Oui, mais 5 jours de spéciaux comme une piscine hors terre tout équipée à 2 999 $ ou une piscine de béton à seulement 19 999 $ équipée et installée. Et parlant de piscine, Trévis offre maintenant la location de piscine clé en main, incluant l'installation, les ouvertures et fermetures de piscine, services et produits d'entretien pour 5 ans à partir de 41 $ par semaine. De quoi passer l'été dehors? Oui, et moi qui aime tellement le outdooring, as-tu vu les rabais jusqu'à 60% sur le mobilier de jardin? Même sur la nouvelle collection. Hey Stéphane, savais-tu que Trévis louait également des spas? Je sais, chez Trévis, on peut trouver un spa à partir de 35 $ par semaine ou encore le gros modèle à 100 jets à 58 $ par semaine. Encore plus, jusqu'à 500 $ de rabais sur les thermopompes et Trévis paie les deux taxes sur les jeux gonflables. La vente flash de Trévis, ratez pas ça! Trévis! 5 jours seulement! Ouais, mais semble qu'on serait dû pour un nouveau plancher. Ouais. L'équipe de Que l'Outaouais se lève a les deux pieds sur les planchers J2G. Une expertise raffinée. Tapisj2g.com. Êtes-vous à la recherche d'un condo spacieux? Prenez rendez-vous dès maintenant pour voir ce que la Cité Gatineau peut vous offrir. Visitez lacitégatineau.com. 104.7 Outaouais. Parce que vous voulez tout savoir. Que l'Outaouais se lève. Ça part bien la journée. Christine. Bonjour. Bon, cri du cœur d'une médecin qui craint des décès sur la Côte-Nord avec les fermetures de services, notamment dans le secteur de Forestville. Oui, c'est quelqu'un que nous devons remercier de nous avoir envoyé cet article écrit par Shirley Kennedy, parce que c'est vraiment un énorme cri du cœur que la docteure Myriam Tardif Harvey a lancé hier. Elle craint des décès parce que il va y avoir, comme tu l'as dit, des fermetures à l'urgence de Forestville et des Escoumins. Les gens vont devoir se rendre soit à Saguenay ou à Baie-Comeau. Dans le cas de Forestville, on parle d'1h13 pour aller pour aller à Baie-Comeau, 2h28 pour aller à Saguenay. J'ai fait des calculs ce matin avec mon téléphone. Et pour ce qui est des Escoumins, c'est 1h52 pour aller à Baie-Comeau, 1h48 pour aller à Saguenay. La médecin, là, elle est complètement terrorisée parce qu'elle dit, on risque d'avoir des décès, ça va prendre trop de temps pour amener ces gens-là, s'il y a une urgence pour les amener dans ces hôpitaux-là. Elle dit aussi que le ministre Dubé a fait du mur à mur avec l'histoire des agences. Elle dit, nous, ça fonctionne bien. On ne devrait pas faire du mur à mur et peut-être y aller de façon un peu plus intelligente. Alors, je pense que ce cri du cœur devrait se rendre sur le bureau du ministre Dubé ce matin, parce que c'est vraiment, vraiment, c'est vraiment triste de voir ça. Puis c'est aussi inquiétant de voir que dans une société comme la nôtre, riche comme la nôtre, on risque d'avoir des décès pour des décisions aussi abracadabrantes. Et j'ajoute une affaire qui m'a un peu pas scandalisé hier, mais je posais tellement de questions. Santé Québec a nommé 4 nouveaux vice-présidents. Ben, il y en a un, son rôle, vice-président talent, culture et engagement. Alors, j'aimerais ça que quelqu'un m'écrive, me dise ce que ça veut dire, talent. On parle de M. Louis. Oui. C'est ressources humaines, en fait. Hein. Oui, ben, c'est ça, mais quand même, talent, culture et engagement, c'est ce que j'ai compris, mais quand même. Ouais. C'est le fils de Gilles Louis, oui, d'ailleurs, que tu connais bien. Qui a déjà été mon adjoint parlementaire. Maintenant, bon, Conseil de la Fédération, c'est revenu un peu à la normale. Tu sais, quand on parle de péréquation, les provinces qui donnent sont pas contentes, puis les provinces qui reçoivent disent, on n'en veut pas, mais on va le prendre pareil. Oui, et M. Legault fait face à Biscuit Corias, là, avec le premier ministre de Terre-Neuve, parce que c'est le premier ministre de Terre-Neuve qui lance le bal. Il veut poursuivre le fédéral sur la question de la péréquation. Puis là, il y a des provinces qui s'ajoutent, Saskatchewan, Colombie-Britannique. Et évidemment, ça a toujours fait débat, l'histoire de la péréquation. Mais le Québec ne peut pas beaucoup s'en passer, même si M. Legault dit on voudrait un jour ne pas avoir à avoir de péréquation. Mais ça fait des jaloux, bien sûr, parce que le Québec reçoit 13 milliards de dollars en péréquation. Autre sujet, bien sûr, qui a été abordé dans la bilatérale entre M. Legault et le premier ministre du Terre-Neuve, c'est la question, évidemment, du contrat de Churchill Falls, contrat qui arrive à échéance en 2041. Ça a l'air loin 2041, mais ce n'est pas loin parce qu'on parle de 5400 mégawatts. Donc, si on voulait construire une infrastructure comme celle-là, il faudrait au moins 15 ans pour la réaliser et arriver. Alors, le premier ministre de Terre-Neuve a dit hier, l'heure est venue d'être plus généreux. Alors, mettez de l'argent sur la table. Le compte à rebours est commencé. Donc, ça a été la relation entre M. Legault et le premier ministre Perry de Terre-Neuve. Donc, ça, c'est sûr qu'il y a des discussions. Ils disent qu'il y a des négociations. Ils disent qu'il y a eu des avancées dans la négociation. Et ça fait 2 ans qu'ils négocient. C'était au cœur de la campagne électorale il y a 2 ans. Mais tu sais, aussi, là, il faut faire attention avec ce que dit Monsieur Perry, parce que c'est bien beau de dire... Et vous allez devoir allonger de l'argent, sinon on ne vendra pas l'électricité. Mais si nous autres, on ne l'achète pas, qui va l'acheter? Oui. Parce que les clients, c'est nous autres qui les avons. Mm-hmm. Puis ils n'ont pas de ligne de transmission pour l'amener vers les États-Unis. Oui. Puis ils ont bien essayé devant les tribunaux de faire casser ce contrat-là. Ouais. Ça n'a jamais marché. Ben, c'est 0,2 cents qu'ils reçoivent, alors que le Québec revend 8,2 cents le kilowatt. Et il y a un départ qui se prépare au sein du cabinet de Justin Trudeau. Il y a une source hier à qui j'ai parlé qui m'a dit qu'il y a quelqu'un, une personne qui quitte d'ici la fin de la semaine. Ouais. J'ai pas pu confirmer avec une autre source, mais je pense que ma source est assez fiable. Il y a un conseil des ministres vendredi. Ouais. On me dit que c'est pour confirmer des nominations. Bien sûr, toute la question tourne autour de Mme Freeland, mais dans le Globe and Mail ce matin, on dit que Mme Freeland a eu l'assurance que son poste était assuré. Mm-hmm. Mais bon, il y a toutes sortes de sujets, de rumeurs qui circulent. Mark Carney aurait été aussi rencontré par le premier ministre parce que le premier ministre veut qu'il se joigne à son équipe, qu'il se joigne aux libéraux. Il y a des élections complémentaires qui s'en viennent, mais toujours selon ma source, Verdun est complètement écarté pour Mark Carney. Mark Carney parle très mal français, ouais, première des choses, puis c'est un gars de Toronto. Puis ça serait quelqu'un du milieu communautaire, puis ça va être annoncé. Bien sûr, ils ont jusqu'au 31 pour l'annoncer. Alors, c'est sûr que c'est à suivre, mais d'ici vendredi, il va se passer quelque chose selon ce que j'ai appris hier. Ouais. Et Justin Trudeau aurait rencontré aussi Mark Carney là, au cours des... Oui, c'est ça. Il l'a rencontré dimanche. Alors, vendredi, samedi, il rencontrait Mme Freeland. Dimanche, Mark Carney. Et lundi, il a rencontré à nouveau Mme Freeland, qui n'a pas voulu confirmer aux journalistes si elle était confirmée, si elle a maintenu dans son poste. Mais en même temps, t'es pas obligé d'être député pour être nommé ministre. Non, pas obligé d'être élu. Tu peux pas siéger, évidemment, si t'es pas élu, mais tu peux quand même occuper la fonction, ça se fait. Oui, ça se fait. Ça s'est fait sous le gouvernement Harper, ça se fait. Exactement, voilà. OK, merci beaucoup, Christine. À demain. Il n'y a pas eu beaucoup de problématiques ce matin, même depuis le début de la semaine. On peut dire que ça circule bien. Là où c'est un peu plus achalandé, c'est sur le boulevard des Helmetières. À cette heure-ci, on est alors, entre autres à la hauteur du boulevard Saint-Joseph, mais même à partir de Montigny, où c'est plus lent de ce côté. Les ponts interprovinciaux, ça va bien. Un peu de ralentissement sur le pont de la Chaudière. On est à l'approche d'Ottawa. Et le reste, l'autoroute 50, mais aussi la 417, c'est dégagé. Vous avez de l'information pour nous. Le texto, le 98-985. Chez Colbeck, Louis, la voiture électrique la moins chère au Canada, la Fiat 500e électrique, pour aussi peu que 79 $ plus taxes par semaine, 0 $ de comptant. Fini les budgets d'essence, Colbeck Gatineau, 812 Maloney West. Quand il fait chaud à l'extérieur et tout aussi chaud à l'intérieur, ça vous prend un spécialiste. Passez de ça... J'ai tellement chaud... à ça... Contactez les entreprises Pierre Charlebois pour l'installation de votre nouvelle thermopompe. Entreprise pcharlebois.com. Quand un orage s'abat sur l'Outaouais... Ça vous prend un spécialiste. Passez de ça... Je trouve pas les chandelles. À ça! Installez votre génératrice avec les entreprises Pierre Charlebois. Votre source de confort numéro 1 en Outaouais. Entreprise pcharlebois.com. Besoin d'une vidange de fosse septique, d'une location de toilettes portatives, d'une roulotte sanitaire ou d'un nettoyage d'égout? Choisissez Sanivac, une entreprise familiale québécoise depuis plus de 60 ans, installée dans l'Outaouais, à Gatineau. Inventaire, service, qualité, choisissez Sanivac. Pour vos travaux de systèmes intérieurs résidentiels, le plus grand spécialiste en Outaouais, c'est Macken. De la petite unifamiliale à l'immense multilogement, Macken s'occupe de la pose de gypse et plâtre, mais offre aussi des services d'isolation de tout genre, comme l'isolant soufflé pour grenier, l'isolation à la cellulose, l'isolation thermique et acoustique. Offrez-vous un travail de pro, une finition impeccable et un service authentique. Pour tous les détails, visitez mackenconstruction.com. Macken, une division du groupe Maillé. Salut, ici Geoffrey Soubrani. Pour la longue fin de semaine, je vous convie à l'édition estivale de Même le week-end. J'ai hâte de vous présenter mes collaborateurs Évelyne Audet et Philippe Léger qu'on va sortir du monde de la politique. Nos chroniqueurs Valérie Beaudoin qui va nous faire visiter la Nouvelle-Angleterre et François Gagnon qui va veiller sur vos finances et on recevra Benoît Béguinis pour la Saint-Jean et le fameux André Perry au Club du dimanche. Samedi dimanche et ce lundi de 7 à 11 heures. Au réseau Cogeco Média. Vous voulez tout savoir. Faites partie de l'équipe, le Club 1047, pour être toujours au courant. Textez Club 1047 au 98985 pour devenir membre officiel du Club 1047. Être membre privilège du Club 1047 vous donne la chance de recevoir en primeur les nouvelles de dernière heure et les concours du 1047 Outaouais sur votre appareil mobile. Textez Club 1047 au 98985 et faites partie de l'équipe. Une invitation de Zeus Mode Forum. Connaissez-vous le service d'authentification gouvernementale? Il permet d'accéder à plusieurs services en ligne du gouvernement du Québec avec un seul compte. En 2024, le service d'authentification gouvernementale donnera accès à d'autres services en ligne du gouvernement. Soyez prêts. Faites comme plus d'1 400 000 personnes et créez votre compte en visitant québec.ca/authentification gouvernementale. C'est simple, rapide et sécuritaire. Un message du gouvernement du Québec. Buckingham Chrysler vous propose un rabais de 25% sur nos Ram 1500 classiques et des nouveaux modèles 2023 en inventaire qui offrent une capacité de remorquage exceptionnelle. Buckingham Chrysler, 1265 rue Odile Daou, avec le groupe Cadry d'Argam, on fait la route ensemble. Nous avons tous le pouvoir de créer le monde. Nous sommes connectés au monde que nous partageons, les uns avec les autres. Je suis Futur. Je vous attends dans le monde d'Echo. Echo, le nouveau spectacle grandiose du Cirque du Soleil. Dès le 16 août, à la place des festivals Zibi. Réimaginez notre monde. Billets au cirquedusoleil.com. Echo remercie son partenaire principal Sun Life et ses partenaires officiels Air Canada et Mastercard. En Outaouais. Parce que vous voulez tout savoir. Que l'Outaouais se lève, ça part bien la journée. Que l'Outaouais se lève, pour rester informé. Jusqu'à 10h, vous écoutez Que l'Outaouais se lève. Que l'Outaouais se lève. Avec Carl Bélanger. Nous amorçons la dernière heure de Que l'Outaouais se lève sous les nuages. L'Outaouais qui se retrouve présentement sous les nuages. Ça va être comme ça pour la grande partie de la journée. Venteux aussi, ça va être venteux aujourd'hui. Maximum de 23 pour cette journée. Avec l'humidex, on va seulement ressentir 26. Donc, on est loin des chaudes températures qu'on a connues au cours des derniers jours. Et l'humidité n'est pas présente. Ce qui fait que probablement, si la tendance se maintient, on n'aura pas de précipitations aujourd'hui. On devrait s'en sortir avec une journée sans pluie. Ça va se dégager en soirée. Minimum de 13 pour la nuit prochaine. Et pour demain, généralement ensoleillé, maximum de 26. Un petit coup d'œil du côté de la fin de semaine, alors que samedi, alternance de soleil et de nuages, un maximum de 26. Et dimanche, alternance soleil-nuages, avec un maximum de 25, un petit 30 % de probabilité d'averse. Steve, du côté des informations, bien sûr, on commence... on va commencer avec une nouvelle dont on n'a pas parlé encore. Oui. Parce que notre ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, est partie en voyage. Ça va vers la Chine. Oui, absolument. Et d'ailleurs, c'est une visite qui n'avait pas été nécessairement annoncée ou prévue depuis longtemps, mais ça a été annoncé là, dans les dernières heures. Donc, la ministre Mélanie Joly, qui est en direction là, de Beijing pour une rencontre de 2 jours avec son homologue. C'est à l'invitation de Wang Yi, le directeur du bureau de la Commission centrale des Affaires étrangères, et aussi ministre des Affaires étrangères, qui a donc invité son homologue. On va s'entretenir, entre autres, des relations entre la Chine et le Canada. On parle aussi d'aborder des questions complexes de sécurité mondiale et régionale, ou probablement aussi là, aborder la stratégie indo-pacifique. Donc, ça fait partie des discussions et il y aura peut-être d'autres discussions plus... Il y a eu beaucoup de tensions avec la Chine au cours des dernières années. On se rappelle de l'épisode des deux Michael, bien sûr, qui ont fini par être relâchés. Oui. L'épisode de Meng Wanzhou, hein, qui était exactement, la fille du fondateur ou président de Huawei. Là, ou exactement, oui, ouais, qui avait été arrêté au Canada pour extradition aux États-Unis. Ça a fini par se régler également. Alors, on verra ce que ce voyage de Mélanie Joly donnera. Oui, et il y a aussi été question là, de l'intervention étrangère. L'ingérence étrangère, exactement, notamment de la Chine. Il y a aussi un dossier un peu touché, là, qui n'a pas été beaucoup question dans les médias, mais qui a été abordé en commission parlementaire. C'est le fameux laboratoire de Winnipeg. Oui, on avait congédié des scientifiques qui étaient accusés d'espionnage pour le compte de la Chine. Exactement, justement. Et qui avait pu, il avait été congédié, mais qui avait pu s'enfuir et retourner en Chine. Je dis s'enfuir, c'est peut-être un peu... On était retourné à la maison. Oui, exactement. Et on avait échappé là, à toute enquête et à tout questionnement, tout interrogatoire. Et il y avait certaines questions qui avaient été soulevées. Ça remontait à 2019. Tout juste avant le déclenchement de la pandémie, provenant de Rouen, il y avait des liens entre le laboratoire de Winnipeg et de Rouen. Alors, plusieurs questions qui ont été posées, mais peu de réponses jusqu'à maintenant. Maintenant, du côté de la course à la présidence américaine. Ben, Joe Biden est malade et pendant ce temps-là, Donald Trump se prépare pour son discours de ce soir. Oui, absolument. Monsieur Trump de ce soir qui va s'adresser pour la première fois là, depuis qu'il a été victime de cet attentat. Les Républicains vont l'écouter avec attention, mais j'ai l'impression aussi qu'un peu tout le monde va l'écouter. On s'attend à un discours différent de ce qu'il fait habituellement. On dit que même dimanche et lundi, il avait déjà commencé à retravailler. En fait, il a, on dit, là, déchiré son discours qui était prévu. Il recommence à zéro. Et il semble qu'il veuille prôner là, l'unité. Il veut aller chercher l'unité. Il veut rallier. Il veut se faire le grand rassembleur. Le grand rassembleur qui n'a pas été toujours son cas. Il est plus le grand diviseur au niveau de sa stratégie politique. Est-ce qu'on aura droit à un Donald Trump 2.0? Peut-être. Hein? Peut-être. C'est vraiment... ce sera intéressant d'observer à quel point il a peut-être changé son attitude. Déjà, on dit qu'on lui trouve un air un peu moins arrogant. C'est ce que les observateurs disent. Alors, est-ce que ça va se refléter dans son discours et dans ses agissements, surtout? À suivre ce soir du côté de Milwaukee. Autre chose à surveiller dans l'actualité? Oui, ben, il y avait Joe Biden, lui, de son côté, là, qui commence sa période de confinement. Il y a de plus en plus de voix démocrates qui lui commencent peut-être à lui préparer une sortie honorable. Même Nancy Pelosi lui aurait parlé. Et même hier, il avait commencé à ouvrir la porte lui-même, là, à peut-être laisser sa place si on lui diagnostiquait là, quelque chose de médical. Comme la COVID-19? Oui. Non, je ne sais pas. Oui, c'est ça. Quoique, à l'âge qu'il a, M. Biden, ça peut être assez rough, cette maladie-là. C'est pas une petite grippe d'homme. Non, on lui souhaite un bon rétablissement. Effectivement. Autre chose? Oui, autre chose qu'on est en train de travailler, là. J'ai perdu mes feuilles. Oui, c'est ça. Mais donc, évidemment, là, l'enquête qui se poursuit concernant les attentats. On en apprend de plus en plus là, sur les agissements du tireur, mais on ne connaît pas encore réellement là, s'il y avait un mobile précis. Ses motivations. Oui, exact. Bon, très bien. Merci beaucoup, Steve. Tu vas rester avec nous pour le prochain segment? Ben oui. Apparemment, je suis. On va déguster une boisson dans quelques minutes. Une boisson prête à boire de Air Distillerie. Ça s'en vient après la pause. Mais d'abord, Nadia, on va faire nos gagnants pour la journée d'aujourd'hui. On a plusieurs chanceux là ce matin, entre autres celui qui gagne le Interzip. En fait, celle qui gagne le Interzip, c'est Tammy Rudy. Elle s'est inscrite via le fm147.ca. Gagnant billet country via le texto, c'est Rabat Oshish qui gagne sa paire de billets pour le spectacle de samedi 3 août. Les prêts à boire, il va faire chaud en fin de semaine, donc c'est Martine Tremblay qui repart avec son ensemble de 4. Et voilà, il y aura d'autres concours, d'autres prêts à gagner demain. Donc, manquez-nous pas. Surtout, ne manquez pas les indices qui sont dévoilés chaque jour pour pouvoir vous inscrire sur nos différents concours via le fm147.ca. Et pour ceux qui se chercheraient une petite activité ce soir, il y a la pièce de théâtre Le Prénom qui est en supplémentaire à la salle Odyssée. C'est à 20h. Il reste encore quelques billets au balcon. Donc, pour ceux que ça intéresse, il y a d'autres dates aussi qui sont à venir là, pour Le Prénom dont les billets sont déjà en vente. Donc, vous pouvez aller faire un tour sur le site Internet de la salle Odyssée et le Festivière de Gatineau, bien sûr, qui se poursuit jusqu'au 27 juillet, du mercredi au samedi. Le Festivière qui a changé de site cette année. On est à l'hôtel du Casino du Lac-Lévis. Oui, on est rendu du côté du Casino. On a quitté la place Zibi, mais la Grande Roue est aussi spectaculaire qu'elle était avant, je peux vous le dire. Denis, toi, tu l'as vu aussi, hein? Ben oui, je l'ai vu. Ce matin, elle n'était pas éclairée, mais hier, elle était éclairée. Et c'est assez exceptionnel. Ah non, c'est très, très beau. Oui. Ils ont plusieurs sections, là. Il y a plusieurs activités, plusieurs sections, plusieurs spectacles aussi. Donc, pour ceux que ça intéresse, on peut acheter individuel ou en groupe. Donc, vous pouvez aller faire un tour sur leur site Internet. Très bien. Après la pause, on rejoint Pierre Manta de Air Distillerie pour son fameux cocktail prêt à boire. On va aller voir qu'est-ce qu'il nous a réservé cette semaine. Quelle est la saveur de la semaine? Depuis 1985, Brigil crée des milieux de vie locatifs exceptionnels. Découvrez nos incroyables communautés et promotions. Brigil, bâtisseur, citoyen, fier partenaire de Que l'Outaouais se lève. C'est l'heure Toyota chez Buckingham Toyota. Jusqu'au 31 juillet, commandez votre camion Tundra 2024 qui vous amènera partout au Québec avec ses fonctionnalités intelligentes et sa puissance redoutable. Buckingham Toyota, sortie 166 de l'autoroute 50. Avec le groupe cadré d'Argam, on fait la route ensemble. Bonjour, ici Jessica de Le Beau Vitre d'Auto. Si vous avez un éclat dans votre pare-brise, il peut rapidement se transformer en fissure. Faites-le réparer avant de prendre la route des vacances. Vous pouvez compter sur nos techniciens certifiés qui s'engagent à faire tout leur possible pour réparer votre pare-brise avant de le remplacer. Pour une réparation de plus solide et garantie à vie, Confiez-vous à nos experts dévoués depuis 1947. Prenez rendez-vous dans un Lebeau près de chez vous sur lebeau.ca. Détails et conditions sur lebeau.ca. Au Vieux du Lutte, c'est du soleil dans votre été. Venez vivre des moments de bonheur en savourant de délicieuses et généreuses portions de grillades et fruits de mer comme vous les aimez. En plus, apportez votre vin pour accompagner vos plats préférés. Au Vieux du Lutte, quel festin! Salut Julie! Salut Stéphane! Hey, pour les gens qui cherchent une piscine ou un spa, tu sais que c'est vraiment le bon moment avec la vente flash de Trévis. Oui, c'est sûr et ça dure juste 5 jours. Oui, mais 5 jours de spéciaux comme une piscine hors terre tout équipée à 2 999 $ ou une piscine de béton à seulement 19 999 $ équipée et installée. Et parlant de piscine, Trévis offre maintenant la location de piscine clé en main, incluant l'installation, les ouvertures et fermetures de piscine, services et produits d'entretien pour 5 ans à partir de 41 $ par semaine. De quoi passer l'été dehors? Oui, et moi qui aime tellement le outdooring, as-tu vu les rabais jusqu'à 60% sur le mobilier de jardin? Même sur la nouvelle collection. Hey Stéphane, savais-tu que Trévis louait également des spas? Je sais, chez Trévis, on peut trouver un spa à partir de 35 $ par semaine ou encore le gros modèle à Saint-Jean à 58 $ par semaine. Encore plus, jusqu'à 500 $ de rabais sur les thermopompes et Trévis paie les deux taxes sur les jeux gonflables. La vente flash de Trévis, ratez pas ça! Trévis. 5 jours seulement. C'est l'événement Prenez la route chez Buckingham Hyundai. Financement à partir de 3,99% et rabais additionnel de 500 $ de Hyundai Canada sur les Kona N-Line. Buckingham Hyundai, 1275 Odile Daou. Avec le groupe Kadri d'Argam, on fait la route ensemble. Depuis 30 ans, le restaurant La Station est votre destination de choix en famille et entre amis. Depuis 30 ans, nous avons eu le plaisir de vous servir des plats délicieux et des souvenirs inoubliables. Au restaurant La Station, chaque repas est une fête. Chaque moment est une célébration. Merci pour ces 30 années de fidélité et de partage. Merci de faire partie de notre histoire. Rendez-vous à La Station, où tradition et saveur se rencontrent depuis 30 ans. Pour info, lastation.ca et suivez nos activités sur notre page Facebook. Cet été, combattez la chaleur tout en vous amusant grâce à Patrick Dumont, votre courtier hypothécaire de confiance multiprêt. Courez la chance de gagner 2 laissez-passer par semaine pour 4 personnes pour le parc aquatique Mont Cascade. Pour participer, visitez le fm1047.ca section concours et inscrivez les indices qui vous seront dévoilés tout au long de la semaine. Tirage tous les vendredis dans Que l'Outaouais se lève et l'Outaouais maintenant jusqu'au 16 août. Présenté par le 1047 Outaouais et Patrick Dumont, courtier hypothécaire multiprêt. Cet été, mettez de l'autobus dans vos sorties. Tarif spécial à 2 $ les samedis et dimanches avec le porte-monnaie électronique de la Multi. Libre accès pour tous les ados avec la Multi Jeunesse et c'est gratuit pour vos tout-petits de 12 ans et moins qui vous accompagnent avec le tarif famille. Ça va être un bel été. Détails au sto.ca. Les soldes d'été sont arrivés chez Sport Expert et Atmosphère. Profitez de rabais allant jusqu'à 30% sur un vaste choix de vêtements, chaussures, équipements d'été et bien plus. Détails en magasin ou à sportexpert.ca. 104.7 Outaouais. Parce que vous voulez tout savoir. Jusqu'à 10h, vous écoutez Que l'Outaouais se lève avec Carl Bélanger au 104.7 Outaouais. Cet été, on a la chance de découvrir une série de prêt-à-boire d'air distillerie avec Pierre Manta qui est avec nous. Bonjour Pierre. Hey, salut Carl. Écoute, cette semaine, premièrement, comment ça va? Ça va super bien pour toi? Ben, ça va super bien. Écoute, la semaine achève, j'ai un tournoi de golf qui s'en vient en fin de semaine. J'ai bien hâte. Puis peut-être que je vais traîner une coupe de canettes de tes prêt-à-boire. Et cette semaine, Pierre, tu nous offres. On est dans un autre monde, là. On est dans le mocktail. Et probablement un mocktail qui va être apprécié parce qu'on est dans le classique, on est dans le sangria. Parle-nous de ça. C'est ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Comme j'ai dit, là, on fait des tests à distillerie. C'est qu'on on se lance un peu dans les mocktails. C'est quelque chose qui va arriver cet automne. Puis le premier qu'on voulait sortir, c'est le sangria. C'est juste à distillerie parce que tu sais, sangria, ça fait plus été. L'avenir est un peu dans les sans alcool. Puis je suis curieux quand j'allais goûter à ça. Là, parce que je sais qu'il est midi, là, il est midi à quelque part. Mais il doit être midi, il doit être midi à quelque part, mais comme il n'y a pas d'alcool, il est toujours midi. Écoute, on va l'ouvrir, OK. La robe, c'est très rosé. Hein? Oui, ça sent très bon en plus. Mm. Ouais, Steve est avec nous. Denis a aussi son verre. On va déguster ça. Mm. Je suis comme cette boisson prête à boire. C'est doux, c'est bien. Oui, oui, le pétillant est très léger. Ça rappelle effectivement la sangria. Peut-être un goût de, je sais pas, S'il y a un fruit, là, j'arrive pas à détecter le fruit, là. Qu'est-ce que vous avez mis là-dedans, Pierre? Des baies? Là, ça, c'est sacré. David, c'est pas de le dire, mais ta base de fruits, OK? Puis moi, je trouvais même que ça goûtait un peu le vin. Vous mettez du vin là-dedans, il n'y a aucun vin là-dedans. C'est facile à boire. Tu bois ça, tu cherches quelque chose de la fraîche sainte, c'est une sangria. Si vous mettez de l'alcool, je vous mettez un peu de vodka, il est là ton sangria. Ouais. C'est pas cher. C'est 1,90 à boutique-ish. C'est quelque chose pour les gens qui veulent pas boire, puis c'est pas tout le monde qui veut boire. C'est une nouvelle clientèle, puis on s'enligne là-dessus, puis c'est le premier qu'on sort pour cet été. Mais tu sais, les gens ont appris de plus en plus des habitudes responsables, puis tant mieux, parce que tu veux quand même profiter de beaux produits, mais pas nécessairement de juste boire de l'alcool encore et encore. Donc là, c'est une option, puis vous profitez de cette vague-là. C'est ça. Qu'est-ce qu'on veut? C'est parce que là, alcool, c'est SAQ. Les sans-alcool, ça s'en va au supermarché. Fait que là, on est en test. Là, on va goûter le 1, mais on va en faire 7. Puis, probablement, mois d'octobre, mois de novembre, on va dans un supermarché, on va faire un test avec deux chez nous, dans l'Outaouais. Quand tu penses à la question marketing, tu sais, quand on parle de sans-alcool, des gens disent, mais pourquoi j'achèterais pas juste, je sais pas moi, un cola ou un jus? Tu sais, pourquoi j'irais vers un mocktail? C'est l'expérience que vous vendez, dans le fond. C'est ça. Puis, moi, j'ai dit, ça fait là 3 ans quelque chose de ça, ça va être un flop, ça marchera pas. Ah, tu y croyais pas, toi? Non, moi, je croyais pas. Parce que c'est une vague, là, puis on va tout oublier ça. Ça, c'est en croissance. Tu sais, encore, nous, là, je veux pas abaisser. Nous, chez nous, c'est parce qu'on le fait tout, nous autres, même. C'est qu'on est capable de sauver des coûts. Tu sais, il y a moins de personnes entre nous autres. C'est que nous autres, on le fait direct ici. La seule chose, je trouve que c'est cher, ceux qui sont. C'est que nous, on va être moins cher. Écoute, moi, je vais être honnête avec toi, là, je te disais, je me rappelle, Pat, c'est l'avenir, puis moi, je dis, non, je pense pas, dans 2 ans, on n'en parle plus, c'est en croissance, ça. Puis nous, c'est une ligne, on peut aller dans un supermarché. Okay, on peut pas vendre les spiritueux dans un supermarché, parce qu'on n'a pas encore, puis on s'enligne là-dedans le mois de novembre dans un supermarché. Ça va être donc disponible cet automne, on l'espère. Steve, qu'est-ce que t'en penses, toi? Écoute, c'est très bon, puis je pense moi aussi que ça, il va y avoir une croissance dans ce domaine-là, il y a de l'avenir, parce que on entend de plus en plus de gens qui, sans nécessairement arrêter de boire, qui aiment ça fêter avec les autres, mais sans avoir nécessairement les mains vides ou se faire dire « Ah, tu veux-tu ci, tu veux-tu... » Oui, t'as raison que c'est festif, hein, parce que, tu sais, tantôt, je donnais l'exemple des colas ou d'un jus, mais là, c'est un mocktail, donc c'est un mélange, ça dit que c'est un peu plus sophistiqué, c'est un peu plus raffiné, des saveurs qui sont un peu plus uniques. Toi, Denis, ouais, qu'est-ce que t'en penses? C'est pas sucré. Au départ, je me suis dit « Ah, c'est... » Sangria, il me semble que c'est sucré, mais non, pas du tout. Pas du tout. Puis... Il y a un petit peu de sucre dedans, parce que ça finit toujours que c'est moi qui goûte à ça. Là, parce que si je me plante, c'est moi pas d'app, là, les gars, là, je me plante souvent, puis ils risquent tout de moins. Moi, je suis un gars qui ne veut pas mettre beaucoup de sucre, mais si tu ne mets pas de sucre, c'est pas bon. Je ne sais pas comment t'expliquer. Ouais, ouais, ouais. Ben, on veut ouais. Tout ça. Faut que tu enlèves l'amertume, mais... j'imagine. Faut que ça prend un équilibre. C'est ça, il faut un équilibre. Le fruit un peu là-dedans, ça donne un peu de calories. Un petit peu de sucre, mais pas beaucoup, mais tu sais, on. Et la balance est bonne. Je pense que c'est facile à boire. Si tu aimes le sangria, c'est sûr que tu aimes ça. Puis je dis aux gens, ben là, ouais, je mets un petit peu de. Mets ça dans un verre de glace, mets un petit peu de vodka, il est là ton sangria. Oui. Et écoute, quand on parle de mocktail comme ça, de type sangria, est-ce que c'est un préjugé de dire que vous visez peut-être une clientèle plus féminine? Je vais dire oui, mais je me fais tout le temps fait avoir. Je sais pas comment t'expliquer. On a fait une limonade rose. C'est tous des gars qui achètent une limonade rose. Ah oui? Des fois, on le sait pas, oui. Là, sangria, c'est...